n'avais encore jamais expérimenté la mort de mon personnage dans un jeu de rôle, et à l'époque, j'aurais tout fait, y compris supplier le MJ pour éviter ce traumatisme. Mon anecdote remonte aux années lycée, alors qu'on ne connaissait encore que Donjons et Dragons 3.5. On jouait la campagne mythique du Temple du Mal élémentaire depuis 2 ans déjà. On devait avoir des personnages niveau 11, un truc du genre. Je jouais le terrible Thanatos, prêtre nécromancien qui était mon premier vrai personnage de jeu de rôle et avec qui j'avais créé un lien vraiment fort. Je n'avais encore jamais expérimenté la mort de mon personnage dans un jeu de rôle, et à l'époque, j'aurais tout fait, y compris supplier le MJ pour éviter ce traumatisme. Bref, les aventuriers de l'Aube Noire, c'était le nom de notre groupe, venaient de découvrir un temple en ruine où trônait une étrange sphère noire. Moi, tout naïf que j'étais, j'avais pris ça pour un téléporteur. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé à ça, et sans hésiter, j'annonçais au MJ, je passe ma tête dans la sphère noire pour voir ce que ça fait. Évidemment, les vieux joueurs l'auront deviné, il s'agissait en fait d'une sphère d'annihilation. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, voilà la description de l'objet. Cette sphère noire de 60 cm de diamètre est un trou dans le multivers. Cette sphère efface l'existence de toutes les matières qu'elle traverse et qui la traverse. Je vous laisse imaginer la stupéfaction du MJ devant mon acte inconsidéré et ma réaction lorsqu'il m'annonça de quoi il s'agissait vraiment. Heureusement, mon bon MJ eut pitié de moi et épargna la vie de Thanatos en échange de la perte de sa couronne de sagesse. D'une valeur de 60 000 PO, un truc comme ça. Donc ça piquait un peu quand même. Moralité les enfants, n'enfoncez pas votre tête dans n'importe quel trou sans réfléchir.